Et maintenant, voyons, on ne se ferait pas une petite définition du jour. Oui, oui, oui, on va faire ça. Donc, je voulais vous parler rapidement du oud, qui est un instrument de la famille des luths. Il possède un nombre de cordes assez variable qui se joue, enfin, qu'on appelle du coup les instruments à cordes à pincer et non pas à frotter comme les violons. Donc les cordes à pincer, ce serait plutôt davantage comme les guitares. Et le manche est dépourvu de fret, donc un peu comme les violoncelles. Il a un corps arrondi en forme de poire. Et c'est un instrument qu'on trouve majoritairement dans les pays arabes, mais aussi en Arménie, en Grèce ou en Turquie. Et la table d'harmonie est faite en bois de résineux, donc de l'épicéa ou du cèdre. Ce sont des bois assez mous, on va dire, tendres. Et la caisse de résonance en bois plutôt dur, donc style noyer, acajou, érable ou hêtre. Et voilà, le manche ensuite, enfin la structure du manche est faite dans l'un de ces bois-là, plus robuste. Et la taille courte du manche permet de jouer des micros intervalles. Voilà, donc rapidement pour cette petite définition. Et je vais vous faire écouter comment il sonne, joué par Yumna Saba, que vous pourrez entendre en direct à 21h ce soir dans la grande salle ici à la maison communale de Plein Palais. Voilà, donc venez ce soir, ça va être vraiment magnifique. Et Yumna Saba joue en fait avec Mike Cooper, qui lui est plutôt versé dans les cordes pincées du style guitare. Et ça va être vraiment très très beau. Ensuite, on a de nouveau notre Jérémy Chevalier, local, qui nous a fait des petites capsules de 2 minutes. Donc vous allez avoir la joie d'en écouter un extrait maintenant. Pardon. Jérémy, il est très pro dans la fabrication de dispositifs maison d'écoute alternative ou de diffusion alternative, on va dire. Donc là, je vais vous laisser écouter, puis on verra après s'il y a le temps pour que je vous explique des choses ou peut-être à la toute fin. Allez, adieu. Désolé, il y a eu un couac. Alors attends, pause. Et je ne sais pas si vous entendez, il y a du grabuge là autour, dans notre studio.